je suis la sotte. Mon papa, je pense à toi. Ma petite sœur, tu touches mon cœur. Ma maman est très charmante. L'anecdote, je suis la sotte. Je suis la sotte. La, la.